troisième partie, chapitre 8, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gillian Henry. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Troisième partie, chapitre 8. De la douceur envers le prochain et le remède contre la colère. Le saint crème dont l'Église se sert, selon la tradition des apôtres, pour le sacrement des confirmations et pour plusieurs bénédictions, est composé de l'huile d'olive et de baume, qui, entre plusieurs autres choses, nous représente la douceur et l'humilité, deux vertus si chères au divin cœur de Jésus, et qu'il nous a recommandées si expressément en nous disant « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur », comme s'il avait uniquement prétendu consacrer notre cœur à son service et l'appliquer à l'imitation de sa vie par l'amour de ces deux vertus. L'humilité perfectionne l'homme dans ses devoirs envers Dieu, et la douceur le perfectionne dans le devoir de la société humaine. La baume qui prend le dessous parmi toutes les autres liqueurs ne marque l'humilité. L'huile d'olive qui prend le dessus ne représente la douceur qui met l'homme au-dessus de toutes les peines et qui excelle en toutes les vertus, parce qu'elle est la fleur de la charité, laquelle, dit saint Bernard, n'a toute sa perfection que quand elle joint la douceur à la patience. Mais comprenez bien, Philothée, ce que dit Jésus-Christ, qu'il faut apprendre de lui à être doux et humble de cœur, et que ce crème mystique doit être en notre cœur, car c'est un des grands artifices de notre ennemi que d'amuser plusieurs personnes de dehors de ces deux vertus. En effet, combien y en a-t-il qui n'ont que le langage, l'air et les manières extérieures, et qui n'examinent pas bien leurs dispositions intérieures, pensant être humble et débonnaire, et ne sont rien moins. Et cela se connaît lorsque, nonobstant cette humilité extérieure et cette douceur cérémonieuse, on les voit se lever avec une chaleur et un orgueil incroyable sur un léger un jour quand l'heure aura faite, ou sur la moindre parole qu'on aura dit de travers. Quand l'humilité est bien réelle et la douceur sincère, elles sont à l'âme un excellent préservatif contre l'enflure d'esprit et l'ardeur de cœur que les peines qu'on nous fait ont coutume d'exciter. Comme l'on dit que ceux qui ont été piqués ou mordus par une vipère n'enflent jamais quand ils sont pris de ce préservatif qu'on appelle vulgairement la grâce de saint Paul. Mais si ayant été piqué par la médisance qui a le long de serpent, notre esprit s'enfle d'orgueil et notre cœur s'enflamme. N'en doutons pas, c'est un signe évident que notre humilité et notre douceur ne sont ni véritables ni sincères, mais artificieuses et apparentes. Le saint illustre patriarche Joseph, renvoyant ses frères d'Égypte en la maison de son père, ne leur donna que cet avis, « Ne vous fâchez point en chemin. » Je vous le dis aussi, Philothée, cette vie n'est qu'un voyage et nous avons à faire pour aller au ciel. Ne nous fâchons donc point en chemin, les uns contre les autres. Marchons en compagnie de nos frères, avec un vrai esprit de paix et d'amitié. Mais je vous le dis universellement parlant, ne vous fâchez point de tout, s'il est possible, et jamais, pour quelque prétexte que ce soit, n'ouvrez votre cœur à la colère. Car, nous dit saint Jacques, la colère de l'homme n'opère point la justice de Dieu. L'on doit s'opposer au mal et corriger le mœur de ses inférieurs, avec une sainte hardiesse et avec beaucoup de fermeté, mais ajoutez avec une égale douceur et tranquillité. Rien ne dompte davantage le feu d'un éléphant irrité que la vue d'un petit agneau, et rien ne peut mieux rompre le coup d'un boulet de canon que la laine. La correction qui fait la raison toute seule est toujours mieux reçue que celle où la passion entre avec la raison, parce que l'homme se laisse aisément conduire par la raison, à laquelle il est naturellement assujetti, au lieu qu'il ne peut souffrir qu'on le domine par passion. Or, c'est de là que, quand la raison veut se fortifier par la passion, elle se rend odieuse, et elle perd, ou de moins elle affaiblit, sa propre autorité, en appelant à son secours la tyrannie de la passion. Lorsque les princes visitent leurs états en temps de paix avec leur maison, les peuples qui se trouvent fort honorés de leur présence en font partout éclater leur joie. Mais quand ils y vont à la tête de leurs armées, cette marche ne leur plaît guère, quoique le public y soit intéressé, par la raison que quelque bonne discipline qu'ils fassent observer à leurs troupes, il est impossible que plusieurs particulières ne souffrent beaucoup de la licence de soldats. De même, quand la raison exerce avec douceur le droit de son autorité par quelques corrections ou par quelques châtiments, chacun l'approuve et l'aime, quelque exactitude de sévérité qu'il paraisse. Mais quand la raison y emploie l'indignation, le dépit et la colère que saint Augustin appelle ses soldats, elle se fait plus craindre qu'aimer, et elle en demeure elle-même troublée et incommodée. Il vaut mieux, dit saint Augustin, écrivant à Profuterus, fermer l'entrée du cœur à la colère, quelque juste qu'elle soit, que de l'y recevoir, pour petite qu'elle soit, parce qu'elle y jette de si fortes racines qu'il est très difficile de l'en arracher, semblable à une petite plante qui vient d'un grand arbre. C'est donc avec justice que l'apôtre nous défend de laisser coucher le soleil sur notre colère, car elle se change en haine durant la nuit. Elle devient presque implacable et elle se nourrit dans le cœur de beaucoup de faux raisonnements, nul homme n'ayant jamais cru sa colère injuste. La science de vaincre sa colère est donc meilleure que celle de s'en servir avec sagesse et avec modération. Et lorsque, par quelque imperfection ou par faiblesse, cette passion a surpris notre cœur, il vaut mieux la réprimer promptement que de la ménager. Car peu peu qu'on lui donne de temps, elle se rend maîtresse de la place et fait comme le serpent qui tire aisément son corps où il peut mettre la tête. Mais comment, direz-vous, là pourrais-je bien réprimer? Il faut filoter qu'à la première atteinte que vous en ressentirez, vous ramassiez contre elle toutes les forces de votre âme, non pas d'une manière brusque et impétueuse, mais douce et efficace. Parce que, comme l'on voit dans les audiences de barreaux, que les huissiers font plus de bruit que ceux qu'ils veulent faire taire, il arrive aussi fort souvent que, voulant réprimer notre colère avec impétuosité, nous nous troublons davantage. Et le cœur ainsi troublé ne peut plus être maître de lui-même. Après ces doux efforts, pratiquez les conseils de saint Augustin, donna dans sa veillée au jeune évêque Auxilius. Faites, disait-il, ce qu'un homme doit faire. Et si dans quelque occasion vous avez sujet de dire comme David, mes yeux sont troublés de feu d'une grande colère, recourez promptement à Dieu et lui dites comme ses prophètes, Seigneur, ayez pitié de moi, afin qu'il étende sa main droite sur votre cœur pour y réprimer votre colère. Je veux dire qu'il faut invoquer le secours de Dieu aussitôt que nous nous sentons émus, en imitant ceux qui firent les apôtres au milieu de la tempête. Il commandera indubitablement à notre passion de se calmer et rendre la tranquillité à notre âme. Mais je vous avertis encore qu'il faut faire cette prière avec une attention douce et non pas avec un violent effort d'esprit. Et enfin, c'est la maxime qu'on doit observer dans tous les remèdes dont on peut user contre ce mal. Dès lorsque vous vous apercevrez d'une faute que la colère vous aura fait commettre, réparez-la promptement par quelque acte de douceur envers la personne à qui vous avez fait sentir votre passion. Car si c'est une précaution salutaire contre la mensonge que de la rétracter sur le champ, c'est un souverain remède contre la colère que de la réprimer aussitôt par un acte contraire de douceur. Les plaies récentes sont, comme l'on dit, plus aisées à guérir que celles qui sont invétérées. Au reste, lorsque vous êtes bien tranquille et que vous n'avez aucun sujet de colère, faites un grand fond de douceur et de débonnairité, vous accoutumant à parler et agir en cet esprit, dans les plus petites occasions comme dans les plus grandes. Souvenez-vous que l'épouse des cantiques n'a pas seulement le miel sur les lèvres et au bout de la langue, mais encore au-dessous de la langue, c'est-à-dire dans la poitrine, et qu'elle y a encore du lait avec le miel. Cela nous apprend que la douceur envers notre prochain doit être en notre cœur, aussi bien que dans nos paroles, et qu'il ne suffit pas d'avoir la douceur de miel qui est de bonne odeur, c'est-à-dire la suavité d'une conversion honnête avec les étrangers, mais qu'il faut encore avoir la douceur de lait dans son domestique, envers ses parents et avec ses voisins. C'est ce qui manque à beaucoup de personnes qui paraissent des anges hors de la maison et qui y vivent en vrai démon. Fin de chapitre 8, troisième partie.